No, no, no, no, no, no, no, no, je ne peux pas stop. Yeah, yeah, yeah. No, no, no, no, no, no, no, no, je ne peux pas stop. Yeah, yeah, yeah. No, no, no, no, no, no, no, no, je ne peux pas stop. Yeah, yeah, yeah. No, no, no, no, no, no, no, no, je ne peux pas stop. Yeah, yeah, yeah. Je suis de le futur, je suis de l'avenir, mec. Tu me vois venir, travailler, ramener de l'argent. Mais travailler c'est dur, mec, on va pas se mentir. Faut se lever pour aller bosser si jamais tu veux payer tes crédits. De toute façon, alors qu'il est, je te déconseille de faire un crazy. Les amis c'est beau, les femmes c'est beau, mais entre eux qui est ton ennemi. Tu le sauras seulement quand s'accumuleront toutes sortes d'ennuis. Même quand je dors, j'ai les yeux ouverts, on dit que j'ai l'insomnie. Je ne veux pas perdre mon fil, donc maintenant je ressemble à un zombie. Et je reste éveillé, non-stop. Je ne peux pas dormir, je suis en mode non-stop. Et je reste éveillé, non-stop. Je ne peux pas dormir, je suis en mode non-stop. Make money, non-stop. Travail, non-stop. Fais son, non-stop. Développer, non-stop. Make money, non-stop. Travail, non-stop. Fais son, non-stop. Développer, non-stop. Non, non, non, non, non, non, non, je ne peux pas stop. Yeah, yeah, yeah. No, no, no, no, no, no, no, no, je ne peux pas stop. Yeah, yeah, yeah. No, no, no, no, no, no, no, no, je ne peux pas stop. Yeah, yeah, yeah. No, no, no, no, no, no, no, no, je ne peux pas stop. Yeah, yeah, yeah. Pas flancher, comme on dit chez moi, pas foncher. Inch'Allah, je fais ma route, je fais en sorte de ne pas pécher. Tu m'as trouvé, c'est que t'as cherché. J'ai pas le temps quand je suis pressé. Même en détresse, je ne crierai jamais m'aider. De toute façon, qui peut m'aider? Ça fait longtemps que je t'ai m'aider. T'as beau être marié, de toute façon, tu restes un PD. Toute cette vie, t'as pas d'avenir si jamais t'as un CDD. T'es mignonne, t'es bonne, t'es conne. CDI devient CDD. Et je reste éveillé. Non-stop, je ne peux pas dormir, je suis en mode non-stop. Et je reste éveillé, non-stop. Je ne peux pas dormir, je suis en mode non-stop. Make money, non-stop. Travail, non-stop. Fais son, non-stop. Développer, non-stop. Make money, non-stop. Travail, non-stop. Fais son, non-stop. Développer. No, no, no, no, no, no, no, je ne peux pas stop. Yeah, yeah, yeah. No, no, no, no, no, no, no, no, je ne peux pas stop. Yeah, yeah, yeah. No, no, no, no, no, no, no, no, je ne peux pas stop. Yeah, yeah, yeah. No, no, no, no, no, no, no, no, je ne peux pas stop. Yeah, yeah, yeah.